C'est la 43e édition du tournoi Bantam qui débute ce soir sur les glaces de l'aréna du secteur de Mississini. Question de savoir davantage, il l'a fait l'an passé avec brio. On va parler avec le président Pierre-Luc Ménard. Salut Pierre-Luc. Salut Danny. Pierre-Luc, 43e édition encore une fois cette année. À quoi ça va ressembler cette année l'édition? En fait, encore une fois, cette année, encore une belle édition. On a beaucoup d'équipes locales. Cette année, on revient avec nos trois équipes, donc le B, le A, puis le 2B. Donc, ça sera intéressant aussi de voir là, le 2B, nouvelle catégorie cette année. On a une équipe aussi de Terrebonne. Donc, de voir un peu les équipes d'extérieur de la région dans le double lettre, ça fait un petit bout qu'on n'avait pas eu ça. Fait que pour cette année, ça devrait être très intéressant. OK. Ben, surtout une équipe d'extérieur comme Terrebonne, c'est quand même intéressant là, pour vous, là, puis pour les joueurs aussi, là, quelque part. Oui, ben vraiment, en fait, Terrebonne, je dirais qu'ils jouent un peu plus que 500 présentement dans leur ligue à Montréal. Okay. On s'attend à ce qu'il y ait des équipes de l'extérieur de la région, dans le double lettre 2B, vu que là, il n'y a plus de 2C nulle part au Québec, soit un peu plus fort que nous autres. Fait que là, ça sera intéressant de voir un peu là, avec la ligue. Là. OK. Si on parlait un peu, puis c'est le fun aussi cette année, les Rapides ont une excellente formation. C'est encourageant, là, organiser un tournoi, puis il y a des bonnes chances que les Rapides soient en finale, là. Ben moi, je pense que dans les trois catégories, cette année, on a des chances d'avoir minimum tous des demi-finales pour les équipes. Puis je dirais qu'on peut s'attendre à avoir au moins deux de nos trois équipes locales à la finale, on l'espère. OK. Puis ça veut dire plus de monde local, plus c'est intéressant pour le guichet, là. Tout à fait, exactement. OK. Dis-moi maintenant, est-ce que c'est difficile de recruter encore des équipes? Ben cette année, on a un essor, on vit l'essor là du Latombe Pee-Wee, là, les catégories plus jeunes que là, on voit vraiment qu'il y a une amélioration du nombre d'inscriptions. Fait que cette année, on passe de 19 l'année passée à 23 cette année. Les années là de vaches maigres, on peut dire, où les inscriptions sont beaucoup plus faibles, là, ils finissent. Donc, on les vit dans le midget avec Podcastor cette année. Donc, ça achève. Je dirais que les équipes double lettre sont difficiles à aller chercher de l'extérieur de la région, surprenamment. Là. Simple lettre, ça rentre bien. Québec, Mauricie, Vienne facilement, la Côte-Nord, mais c'est beaucoup plus difficile au niveau des doubles lettres. Donc, il y a peut-être un travail à faire au niveau du recrutement, malgré que cette année, on a été capable d'aller chercher une équipe de Montréal, fait que ça, on est vraiment content. Est-ce que ouais, justement, c'est-tu parce qu'il y a des représentations à faire, quand il y a des contacts à faire, comment ça fonctionne? Ben, je dirais que ce qui arrive, c'est que la région de Saint-Laurent peut-être a tendance à faire des équipes un peu plus tard qu'ailleurs, dans d'autres régions administratives du Québec. Donc, ce qui arrive, c'est que les organisateurs, faut se prendre tôt. Il y a une réalité aussi géographique, c'est-à-dire que les équipes de Montréal trouvent que c'est loin, ça amène des coûts. Les finales sont souvent tard, là, c'est dimanche soir. Il y a une culture à travailler, mais ça, c'est partout dans la région, c'est comme ça. Il y a les gros tournois provinciaux font mal aussi. Ouais. Fait que les gens n'ont pas tendance à retourner dans les régions éloignées comme ici deux fois. Peut-être moins dans le Bantam, mais dans le tournoi Midget d'Alma, on peut faire mal à plein d'autres tournois. Fait que c'est ça qui arrive. Le Pee-Wee Jonker peut faire mal à tous les autres tournois alentour. Fait que ça, c'est la réalité. Là. Dans le double lettre, surtout, mais dans le simple lettre, il n'y a pas de problème, honnêtement. OK. Le fait qu'on a fait le virage devant les fêtes il y a quelques années, est-ce que dans le fond, ça en vaut la peine? Ça, c'est le meilleur move qui a pu se faire. Parce que premièrement, il y a beaucoup plus de tournois après Noël qu'avant Noël. Donc, puis de plus en plus, les associations de hockey mineur vont recommander fortement et même obliger des équipes à faire un tournoi avant Noël et deux après Noël. Donc, ça nous avantage. La seule affaire, c'est que comme organisation, faut qu'on soit plus prêt rapidement. Puis on a du recrutement à faire plus à la pression que les tournois d'après Noël parce qu'il faut que ça aille vite. Là. OK. Donc, maintenant, le président d'honneur, c'est qui cette année? Cette année, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est dans le hockey, qui est impliqué dans la communauté depuis très longtemps, Robin Boulian de BR Metal. Ah, ouais. Donc, je suis très heureux de travailler avec Robin, là, quelqu'un d'impliqué à temps plein dans le hockey, qui est passionné. Ah oui, c'est un passionné. Puis il est impliqué également au sein de l'équipe des Rapides de Boom Sesni aussi. Là. Donc, bravo. Donc, les gens qui veulent se procurer des billets, comment ça fonctionne? Ben en fait, à l'aréna, la passe pour le tournoi complet adulte, 15 $, 5 $ pour les adolescents 13-17. pour une passe journalière, on parle de 6 $ adultes et 2 $ 13-17, c'est gratuit pour les 12 ans et moins. Donc, ça commence ce soir à 6 h. On a Mastaillage contre les Aigons d'Alma dans le A. Et à 7 h 15, on a Saint-Félicien et les Vikings d'Alma. OK. Donc, on se reparle demain matin, Pierre-Luc? Oui, c'est bon. Merci. Pierre-Luc Ménard, le président du tournoi Bantam, qui est 43e édition qui se met en avant ce soir.